dimanche. Si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent et dans un même sourire nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins de folles promesses, qu'au fil de l'eau leur écho va compter aux gais moineaux effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème.